plus d'esprit. QSM c'est quoi? QSM c'est quoi? QSM c'est qui? QSM c'est qui? QSM complote dans la véranda. Est-ce un lieu qui n'existe pas? QSM c'est qui? QSM c'est qui? QSM c'est quoi? QSM c'est quoi? Tous les week-ends, QSM nourrit l'anaconda. Mais l'anaconda n'existe pas. Mais QSM c'est qui? QSM c'est qui? Et QSM c'est quoi? QSM c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Dans la véranda, le mystère s'épaissit. Et jour après jour, l'anaconda grossit. QSM c'est quoi? QSM c'est quoi? QSM c'est qui? QSM c'est qui? C'est qui? QSM soigneusement prépare ses appâts. QSM la nuit est tapis comme un rat. QSM c'est qui? QSM c'est qui? QSM c'est quoi? QSM c'est quoi? Devant son ordi, QSM prend les paris et commet des riffs à base de fa et de si. QSM c'est quoi? QSM c'est quoi? QSM c'est qui? QSM c'est quoi? QSM castagne comme un joueur de rugby. QSM c'est qui? QSM en Bretagne n'a pas peur de l'ennui.